Heine. Les deux grenadiers. Deux grenadiers gagnaient la France, naguère captifs des tyrans, non loin des quartiers allemands. Ils baissent la tête en silence. On leur a dit d'un ton plaintif que la France s'était perdue, la grande armée était battue et l'empereur était captif. Les grenadiers, à ce récit, ont répandu des flots de larmes. L'un dit « Ah, que je sens d'alarme, comme ma blessure me cuit !» L'autre reprend « Ah, sur mon âme, je voudrais mourir avec toi, mais j'ai des enfants, une femme, qui mourraient tous de faim sans moi. Femme, enfant, à moi, que m'importe ? Je traîne un bien autre souci, ils m'en diront de porte en porte, mais l'empereur criait « Merci !» Frère, exauce mon espérance, si la mort vient pâlir mes traits, emporte ma dépouille en France, cache-la dans le sol français. Mais tu placeras sur mon cœur ma croix d'honneur au ruban rouge, qu'à mon bras le fusil ne bouge comme au beau jour de mon bonheur. Ainsi couché, je veux attendre, sentinelle sous le gazon, jusqu'à ce que ma veine cendre s'ébranle au fracas du canon. L'empereur, passant sur ma tombe, brandira son sabre vainqueur. Je sortirai comme la bombe pour défendre mon empereur. Moi, tout couvert de cicatrices, je voulais quitter les drapeaux. Mais quand la liqueur est tarie, briser le vase est d'un ingrat. Adieu, femmes, enfants et patrie, vieux grenadiers, suivons un vieux soldat. Béranger. Le pèlerinage à Kevlar. La mère était à la fenêtre, le fils était au lit. Veux-tu voir passer l'archiprêtre dans son plus riche habit ? Je suis si malade, ma mère, que je n'entends ni voix. Je songe à feu Margot la chair, mon cœur est aux abois. Viens vers Kevlar, nous faisons route, prends livre et chapelet. La mère de Dieu qui t'écoute te guérira, pauvre. Voici la bannière qui passe, le cœur qui prend le ton. Dans Cologne, ceci se passe, c'est la procession. La mère suit la confrérie et conduit son enfant. Tous deux, ils s'avancent chantant « Louange à toi, Marie !» La Vierge Mère de Kevlar porte une belle robe. Plus d'un malade sans retard la visite avant l'aube. Les malades lui font offrande d'objets de cire à jour. La cire arpente à la Gironde, mains et pieds faits autour. Qui donne une main de cire, sa main sera fermie, et qui présente un pied de cire, son pied sera jauni. Plus d'un vint avec ses béquilles et dans son étourdi, plus d'un maintenant joue aux quilles, dont le bras fut roidi. La bonne mère prend un cierge, puis y dessine un cœur, va l'offrir à la douce Vierge, cela porte bonheur. Le fils a pris le cœur de cire et va vers le tableau. Il verse des pleurs, il soupire, de son cœur sort ce mot. Ô toi, par-dessus tout béni, la servante de Dieu, reine que le ciel s'est choisie, exauce notre vœu. Je demeurais avec ma mère à Cologne, au faubourg, Cologne dont le sanctuaire est un divin séjour. Près de nous restait Marguerite, morte dernièrement. Prends cette offrande favorite et guéris mon tourment. Guéris-moi, Vierge si chérie, guéris mon pauvre cœur. Je veux chanter avec ferveur, louange à toi, Marie. Le fils malade, avec sa mère, doucement sommeillait. Vint la Madone, Vierge Mère, sur la pointe du pied. Elle pencha sur le malade, puis appuya la main sur son cœur dans une accolade, et disparut soudain. La mère vit tout comme en rêve, vit même plus encore. À son sommeil, elle fit trêve, les chiens hurlaient dehors. Voici qu'étendu sur sa couche, son fils était là, mort. L'œil du jour effleurait sa bouche et jouait sur le bord. La mère alors, tout attendrie pour prier, joint les bras et chante du ton le plus bas, « Louange à toi, Marie !» Le pèlerinage à Kevlar est une délicieuse élégie. C'est le jeune malade d'André Chénier, sauf qu'ici le malade aime une morte, le mal est incurable. Louis Ratisbonne. Dialogue avec la neige. Voyez les cimes des montagnes, Elles rayonnent au lointain sur les plaines de ces campagnes comme la pourpre du matin. Toute cette magnificence de près passe et s'évanouit, comme en face d'une puissance, l'illusion vous a séduit. Cette pourpre, cette améthyste, c'est de la neige à gros flocons, rien que la neige qui s'attriste dans la société des faucons. Là-haut, je l'entendis naguère, la pauvre neige craquetait et comptait sa blanche misère au vent du nord qui grelottait. « Oh, dit-elle, comme les heures ici s'écoulent lentement, les minutes en ces demeures se gèlent éternellement. Pauvre neige si désolée, que ne suis-je de ces hauteurs tombées au fond de la vallée où brillent les fleurs. Je me fondrais comme un nuage dans les ondes d'un clair ruisseau. Le plus beau garçon du village se mirerait dans mon doux flot. Même, je nagerais peut-être jusqu'à la mer en doux émoi. Puis, perle, je pourrais paraître sur une couronne de roi. Quand j'eus entendu la pauvrette, je répartis. Ma chère enfant, je doute fort que dans l'herbette t'attende un sort aussi brillant. Console-toi. Dans la nature, peu de tes sœurs vont au baguier. Tu pourrais bien être l'ordure qui s'accumule en un bourbier. L'on ne saurait reproduire en français cette beauté musicale accomplie, cet abandon et se laisser aller apparent sous le contour le plus net, et surtout ces abîmes de tristesse entr'ouverts comme par une baguette fleurie qui les referme aussitôt. Daniel Stern. Le réveil de Barberousse. Un pays nu, le vent humide, le coche avance avec lenteur. Mais je chante d'un ton candide, soleil, foyer, accusateur. C'est un air du temps d'autrefois que chantait souvent ma nourrice. Cela sonnette avec délice comme un appel du cor des bois. Dans la chanson, un homicide vit dans la joie et le plaisir. On trouvera son corps livide au saule agité du zéphyr. Au long rameau du saule blême pendait l'arrêt du malfaiteur. Ainsi l'avait voulu la vème, soleil, foyer accusateur. Le soleil avait porté plainte et dénoncé le séducteur. Odile dit sous son étreinte, soleil, foyer accusateur. Et je repense à la nourrice. Lorsque je pense à la chanson, je revois son œil en coulisse et tous ses plis autour du front. Près de Münster, elle était née et connaissait par cœur un tas d'histoires de la cheminée et de contes de fiers à bras. Que mon cœur battait quand la vieille me disait la fille du roi qui s'asseyait blanche et vermeille et lissait ses cheveux du doigt. Il lui fallait garder les oies comme un pâtre au milieu des champs. Quand elle venait des ormois, elle arrêtait ses tristes chants. Car elle voyait sur la porte clouer le crâne du cheval qui la conduisit sans escorte dans les étoiles d'un roi rival. « Falada, te voilà pendue !» soupirait la fille du roi. « Oh malheur, te voilà perdue !» lui répartait le palefroid. « Ah, si l'on informait ma mère !» soupirait la fille du roi. « Son cœur se romprait comme verre !» lui répartait le palefroid. Quelle n'était point ma secousse quand la vieille, avec sérieux, allait parler de Barberousse, notre empereur mystérieux. « Il n'est pas mort, m'assurait-elle, comme prétendent les savants. Il habite une citadelle avec ses amis, ses enfants. Elle se nomme Kyffhäuser et dedans est une caverne. Les lampes jettent un jour ternes sous les voûtes qui manquent d'air. Une salle forme écurie, et là l'on peut apercevoir 1000 chevaux d'artillerie au harnais clair comme un miroir. Ils sont scellés, portent la bride, et pourtant de tous ces chevaux, pas un ne bouge ou se débride, tous muets comme des poteaux. On voit dans la seconde salle des soldats couchés près du feu, 1000 soldats, gens martiaux, à l'air farouche et belliqueux. Armés des pieds jusqu'à la tête, mais de tous ces braves, pas un ne se remue et ne s'apprête. Ils dorment d'un sommeil commun. Dans une autre salle, des piles de sabres, piques de lanciers, de vieilles armes inutiles, des casques d'argent et d'acier. Quelques canons, cependant guère pour un trophée au vaste essor. Au sommet flotte la bannière aux trois couleurs noires, rouge et or. L'empereur habite une salle. Depuis longtemps, il est assis à sa table de pierre ovale, la tête dans ses bras noircis. Sa barbe, qui descend à terre, paraît rouge comme un fournil. Parfois, il cligne la paupière, parfois, il fronce le sourcil. Fait-il un somme ou s'il médite? C'est ce que l'on ne peut savoir. Mais quand viendra l'heure bénite, il sortira de son manoir. Saisissant son drapeau fidèle, il criera « Soldats, à cheval !» Les cavaliers mettront la selle avec un transport martial. Chacun saute sur sa monture qui hennit et bat du sabot. Il chevauche dans la verdure, le clairon fait sonner l'écho. Ils chevauchent et font la guerre, ils avaient fini de dormir. Du chef, la justice est sévère, des assassins sont à punir. Les assassins de la princesse aux boucles d'or, chère à tout cœur, Germania, la belle Altesse, soleil, foyer accusateur. Plus d'un qui se croit en défense et sourit dans son fort château n'échappe point à la potence de Barberousse au gris manteau. Qu'ils me sont doux, qu'ils me font fête, les vieux contes du serviteur. Mon cœur enfant crie à tue-tête, soleil, foyer accusateur. Cette pièce est tirée du conte de Germania, plein d'allusions contemporaines. Heine excelle dans les vieilles légendes. Les refrains d'autrefois s'adaptent sans pastiche à des vers très habilement appropriés, et ces contes de bonnes femmes deviennent entre ses mains de petits chefs-d'œuvre de grâce et de fantaisie. Saint-René Taillandier. Apparition sous-marine ou la revue de la bien-aimée. J'étais couchée sur le bord du navire et regardais d'un œil confus dans le miroir des ondes de porphyre, et regardais de plus en plus, lorsqu'au fond du vaste abîme, d'abord comme de fins brouillards, puis peu à peu, des flots montant les cimes, dômes et tours frappèrent mes regards, enfin radieuse une ville complète, d'antiques bourgeois babillards à la face honnête. Des hommes bruns en manteau, en rabat, avec fraises blanches et chaînes pétillantes, avec longue épée et visage béat, montent au bout de la place grouillante les degrés du Conseil d'État, où de beaux empereurs de pierre font le guet armés d'espadons. Tout le long de murs dont la filière s'étire en brillant cordon, sous de hauts tilleuls taillés en pyramide, vont promenant jeunes filles timides, en robes à frou-frou d'air ingénu, le minois en fleurs décemment contenues sous l'or de leur toque noire, d'où cheveux blonds ruissellent à plein bord, des cavaliers vêtus d'habits de moire saluent et lancent des yeux à corps. Des dames âgées couvertes de leurs bruns mantelets portent en main livres et chapelets, et poussent leurs rangées vers le temple divin, où le son des cloches affligées se marie à l'orgue saint. Moi-même, de leur voix lointaine, je subis la vague horreur. Vaste désir, tristesse surhumaine glisse en mon cœur remis à peine. Je crois que de suaves baisers viennent étancher mes blessures qui saignent à flots rosés. Leurs gouttes, leurs souillures tombent longtemps et lentement sur un antique appartement. De la ville marine, une maison à la pointe argentine, où mélancoliquement à la fenêtre une vierge assise livre son front à la bise comme une honteuse et pauvre enfant. Et je te connais bien, honteuse et pauvre enfant. Ainsi, bien loin de moi, tu t'es donc cachée en faisant la fâchée. Loin de ton joyeux quartier, tu t'es enfuie ainsi qu'une étrangère durant un siècle entier. Tandis que moi, chargée de misère, je te cherchais par toute la terre et te cherchais toujours, ô toi, ma bien-aimée, si longtemps réclamée, toi rendue à mes amours. Je t'ai retrouvée et j'admire sans voile ce visage aimant, cet œil pur comme l'étoile, ce sourire charmant. Et je ne veux plus abandonner ta trace. Avec toi, je vis de concert. Je me précipite à bras ouverts sur ton cœur qui me fait grâce. Mais le capitaine attend par le pied, me saisit et m'arrête. Il m'attire au hauban et me dit ces mots galants. Docteur, perdez-vous la tête ? Ce à quoi Heine excelle aussi, C'est la peinture de tous les êtres charmants et perfides, Ondine, elfes, nix, Vili, dont la séduction cache un piège, et dont les bras blancs et glacés vous entraînent au fond des eaux dans la noire vase, sous les larges feuilles du nénuphar. Gérard de Nerval. Le serment d'Hannibal. Deux formes rudes et sauvages, sur les quatre pattes glissant, ce frais chemin dans les bocages de sapins verts en frémissant. C'est d'abord Atatrol, le père, et puis une oreille, son fils, à l'endroit où le bois s'éclaire, au roc sanglant, ils sont assis. Cette pierre, grogne Atatrol, est un autel où les druides, pour triompher de l'espagnol, immolaient des vierges timides. Ô comble d'horreur et de crime, quand me vient ce penser, mon poil se hérisse à mon dos, la dîme de Dieu fut du sang virginal. Maintenant ces hommes sans doute sont plus sages, ces cœurs de miel ne verseraient pas une goutte au nom des intérêts du ciel. Non, plus de pieux fanatisme, plus d'enthousiasme, Béa, c'est l'intérêt. C'est l'égoïsme qui les pousse à l'assassinat. Sur les faux biens de cette terre, ils s'acharnent tous à l'envie. C'est un pillage séculaire, chacun enfin vole pour lui. Oui, la succession commune d'un seul de l'homme est le butin. Et puis ils montent à la tribune et vantent les droits du prochain. Propriété, droit de richesse, mensonge, vol accusateur. De semblable indélicatesse, l'homme seul peut être l'auteur. Il n'est point de propriétaire dans la nature, car tous, les hommes, les ours ou les loups, s'empochent, nous venons sur terre. À nul de nous, quand il naissait, l'on a pu trouver sur sa robe pareil affreux petit gousset pour receler ce qu'on dérobe. Mais l'homme seul, cet être lisse, qui sait de la laine avec art vêtu, vient par un artifice se munir d'un gousset cafard. Une poche aussi naturelle que les droits de propriété, une poche où l'argent ruisselle, oh, quelle monstruosité! Je hais l'empocheur d'une haine, je te la lègue, mon cher fils, sur cette pierre, sous ce chêne, jure haine à nos ennemis. Deviens irréconciliable avec ces rusés oppresseurs. Tant que tu vis, reste implacable, jure haine à tout possesseur. Et le jeune ours fit sa promesse, comme fit jadis Hannibal. La lune d'un œil de tristesse regardait le jeune animal. Atatrol 10. La poésie, la philosophie, la critique ont porté en Allemagne leurs fruits en même temps. Ce caractère s'est perpétué. Heine, si vif et si brillant dans la forme de ses productions lyriques, qu'il a conquis comme poète les suffrages de ce qu'effraient ses opinions, Heine est au fond un critique humoriste s'exprimant en beaux vers. L'Herminier. La maison de chasse. La nuit est humide, orageuse, les étoiles ne brillent pas. Dans la forêt tumultueuse, je vais marchant à petits pas. Au loin, dans la maison de chasse, étincelle un léger flambeau. Je ne veux point suivre sa trace, il éclaire un triste tableau. La vieille, l'aveugle grand-mère s'allonge dans la chaise à dos, morne et fixe comme la pierre, sa bouche ne dit pas un mot. Du forestier, le fils s'entête, arpente la salle en jurant. Son fusil au mur, il le jette et rit de rage à tout moment. La gentille fileuse pleure et de ses yeux trempe le lin. À ses pieds, le basset demeure, gémissant, et lèche sa main.